Yo yo, what's down? Take the mic again, Caribbean Gospel. Little boy pour le redim, eh? Nous me lève yo, nouveau religion là là, les dieux m'attistent, les dieux m'attistent. Bon Dieu toujours dit, Dieu m'a dit, ou toujours ici, frère. Un gamin la force, ou toujours rêvé. Dormi moins, passe tout ça au quand tu l'as, tant quand je réalise. Bon Dieu toujours dit, Dieu m'a dit, ou toujours ici, frère. Ou tu es frappé, ou toujours rêvé. Dormi moins, passe tout ça au quand tu l'as, tant quand je réalise. La parole de Dieu est une chose de très précieuse. Mon Dieu ne parle pas à n'importe qui. Alors mon ami, fais attention à tous ceux qui te disent qu'ils ont toujours entendu la voix de Dieu. Examine leur vie, examine leur foi. Leur vie spirituelle n'avance pas. Pourquoi Dieu ne leur parle pas, mais tu leur parles de toi. Mon Dieu toujours dit, Dieu m'a dit, ou toujours ici, ouais. Ou tu es parfait, ou toujours rêvé. Dormez moins, passe tout ça au quand tu l'as, pas quand je réalise. Ça me rappelle un certain pasteur, il prêchait sa graisse aux spectateurs. Voilà, j'ai un message du Seigneur, 10 personnes donneront 100 euros tout à l'heure. Bizarrement, plus de 10 personnes se sont levées pour lui donner l'argent. Alors penses-tu vraiment que c'est Dieu qui avait parlé dans la bouche de ce charlatan? Je ne mens pas, mon ami, ce qu'il dit, il le fait vraiment. Quand il parle, il est précis, pas approximativement. Mais attention, ne rejette pas tout ce qu'on te dit tout bêtement. Tu parles vraiment à certains gens qui utilisent ton discernement. Mais les dieux m'attissent, Mon Dieu toujours dit, Dieu m'a dit, ou toujours ici, frère. Ou tu es frappé, ou toujours rêvé. Dormez moins, passe tout ça au quand tu l'as, pas quand je réalise. Révélation, les amis, vous savez que le fait d'obtenir du plaisir, de la satisfaction, de la jouissance à partir de quelque chose qui n'existe pas, de quelque chose qu'on invente soi-même, c'est le mensonge, l'immoralité, la masturbation. Dieu m'a dit, arrête de te masturber. Tant spirituellement que physiquement. Dieu m'a dit. Mon Dieu, on est trop vite. Mon Dieu, toujours dit. Dieu m'a dit. Ou toujours ici, frère. Ou tu es frappé. Ou toujours rêvé. Dormez moins. Passe tout ça au quand tu l'as. Tant quand je réalise. Mon Dieu, toujours dit. Dieu m'a dit. Ou toujours ici, frère. Je réussi. Ou toujours rêvé. Dormez moins. Passe tout ça au quand tu l'as. Tant quand je réalise. Yo yo, what's down, Caribbean Gospel Music again. Little boy sur les Wizim. Nous ka bouillonné, nous ka bouillonné, nous ka bouillonné, nous ka. Oui oui. Alors big up à tous ceux qui sont vraiment vrais avec le Seigneur, qui sont vraiment connectés avec Dieu, qui entendent la voix de Dieu, c'est sincèrement. Mais ceux qui inventent, restez tranquilles. Oui, because we worship the Lord on every day we stay. Every day we pray, we stay in His way. From Monday to Sunday. What's thou, Caribbean? Maman, tu le penses tout bas, je le dis tout haut. Les messages coulent, la langue bien pendue. What's thou? Je ne change pas.